beaucoup qui n'avaient pas la paix, et les yeux adorent. Tu restes profonde pour jamais, Béni Jésus, pardonne. Sans passage en paix, il déborde des bonnes, et le poids de la temple Jésus. Chaque pas, Béni Jésus délivre, c'est lui qui siège en ses bras, peut à toujours les suivre. Quand Jésus remplit un cœur, Venez, Jésus la donne. Boya, Yesu azali kopesa yango. Une paix pure. Kimia oya peto. Une paix profonde. Kimia oya mzindo. Et pour jamais. Et pona libela na libela. Venez, Jésus pardonne. Amen, amen. Boya, Yesu azali kolimbisa. Votre manque de paix est dû à vos nombreux péchés. Ezali pona mingi ya masumu na yo. Vous ne savez pas vous pardonner vous-même. Boya, biti kolimbisa bino moko. Et vous n'arrivez pas à oublier vous-même. Vous allez kokokate kobosa na bino moko. Dont le fardeau est si pesant sur l'âme. Que vous voyez qu'en enfer perdu. Venez, Jésus pardonne. Amen. Amen. Il ne se lasse jamais de pardonner. Le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Quand lui pardonne, c'est pardonné. Il n'y a rien à redire. On ne doit pas y revenir. C'est réglé. C'est terminé. Il a classé la chose. Et il est dans la mer de l'oubli. Loin de tout tourment. Pour que plus rien ne te tourmente. Amen. Il n'y a aucun démon avec la méchanceté pour te poursuivre en condamnation. Le maître a déjà pardonné. Le souverain des cieux a déjà pardonné. Dieu est déjà intervenu. Que peut faire un esprit? Rien du tout. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, remercions ce soir ton grand amour, la soirée d'adoration, que tu conduis toi-même selon ta sagesse, selon ta force, selon ton divin pouvoir, invincible, très efficace, permanent, en notre faveur. Merci pour cela, Seigneur. Laisse chacun de nous s'abreuver là-bas. Chacun boive. Et chacun puise là-bas. Et chacun soit ressourcé. Soit alimenté. Par ce pouvoir divin. Et exauce nos prières. Nos supplications. Déverse l'onction. Et la capacité. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions ici. Amen. Amen. Nous allons lire trois portions dans la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, par la grâce de Dieu. Matthieu chapitre 10e. Le verset 1. Et nous prendrons aussi Luc chapitre 9e. Verset 1 encore. Et puis nous irons lire dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Comme c'est merveilleux. Matthieu 10, verset 1. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie. Amen. Et toute infirmité. Yesu adangi bayeko na ye zomi na mibale epai na ye mpe apesi bango bokonzi likolo na milimo na mbindo. Eti babimisa yango mpe eti babikisa mpasi yonso pe malali yonso. Luc chapitre 9. Luka mukapaliba. Le verset premier. Mulungu yango. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir. Amen. Sur tous les démons. Amen. Avec la puissance de guérir les maladies. Amen. Yesu ayangalisaki bazomi na mibale mpe apesaki bango nguya na bokonzi liboso na milimo mabe yonso mpe mpona kobikisa malali yonso. Quelle merveille. 2 Corinthiens chapitre 4, ça c'est l'épître de Paul aux Corinthiens. Il dit ceci. Verset 8. Jusqu'au verset 12. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Bakokamo la kabiso bipa yeso de tokobuka na kate. Bakotungisa kabiso nde tokotika ka elikate. Bakonyoko la kabiso nde ye akosabola kabiso te. Amen. Bakokoyisa kabiso na se nde tokobebaka te. Tango yoso tokomemaka kufa na Yesu kati na nzoto. Ete bomo na Yesu bomona na polele kati na nzoto na biso. Zambi na ino ezali biso na bomo. Tozali kokabana na kufa po na Yesu. Ete bomo na Yesu bomona na polele na mosomi na biso. Mobongi po kufa. Bongo. Kufa esali mosala kati na biso nde bomoi kati na bino. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nzambe apambola botengele bana ye. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus-Christ. Kukuvanda na kombo na Jésus-Christ. Bienvenue à cette sacrée méditation. Oui, malamu na komanula oyo abule. Il y a un moment d'exhortation. Ezali tango lilendisi. Et l'exhortation a pour but l'encouragement. Lilendisi tina nango ezali kopesa mpiko. Ça doit te stimuler. Esengeli tindika yo. Hier, nous avons commencé à méditer un peu sur une petite pensée. La guérison divine est un appât évangélique. Nous y reviendrons demain. Alors ce soir, donc dans le même esprit toujours, autour de la guérison divine, nous allons parler des pouvoirs de guérir ou la puissance de guérison. Les pouvoirs de guérir ou la puissance de guérison. Vous savez, Frère Brenham nous l'a prié hier, que Dieu seul ou le Saint-Esprit seul, c'est lui qui a la puissance de guérir. Qui a le pouvoir de guérir. Le Saint-Esprit seul. Pas un prédicateur. Pas un homme quelconque, mais votre Dieu seul, de qui il est écrit dans le psaume 603, vous le savez. Dans le psaume 103, c'est ce là qu'il est écrit ceci, comme c'est parfait, il dit au verset 3, c'est lui, donc lui l'Éternel. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Amen. Qui guérit toutes tes maladies. Il est écrit que c'est lui. Le prédicateur n'est pas lui. Le prophète n'est pas lui. L'apôtre n'est pas lui. L'évangéliste n'est pas lui. L'évangéliste n'est pas lui. Lui, c'est lui. Votre Dieu l'Éternel. Et c'est encore lui voulait savoir. J'allais vous veiller, vous voyez bien. De qui il est écrit dans Exode chapitre 1. C'est toujours lui-même. J'allais vous veiller, mon condamné. De qui il est écrit ceci. Au verset 26, Exode 15. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont je frappais les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Alors, qui est-ce? Soko, oko, yoka, mongongo, na ya, wenzambe, na yo. Peko, sala, yango, et jali, sembo, na miso, na ye. Peko, tosa, niboko, na ye, pe, ko, batela, niboko, na ye, yoso. Mele, na kotela, yo, malali, moko, te. Na, tia, ki, kati, na ba, Egypte. Peke, ngai, na jali, yawe, mobiki, si, na yo. C'est Dieu qui a parlé. David dit, sous la poussée du Saint-Esprit, que lui l'Éternel, qui te pardonne toutes tes iniquités, et c'est lui l'Éternel, qui guérit toutes tes maladies. Toutes tes maladies. Sans exception. Quel que soit l'état, c'est lui qui guérit toutes les maladies. Le témoignage du Saint-Esprit est vrai. Tu peux l'expérimenter à tout moment que tu voudras. Même maintenant ici, tu peux l'expérimenter. C'est comme ma fille m'a témoigné hier. Elle a expérimenté ça ici. Pendant la prédication qu'on en a parlé, la poitrine, comme si quelque chose est sorti de corps. Pendant la prédication même. Je lui ai dit, tu peux partager avec tes moniteurs de l'école de Dieu. Les surveillants de l'école et des choses comme ça. Expérimentent. C'est dans la foi. Tu entends la parole sans effort. Tu es disposé à recevoir. Et ça se manifeste simplement. Parce que c'est la vie de Jésus qui est dans la parole. Cette vie-là doit agir en vous. On l'a dit au Corinthiens. La vie de Jésus doit agir en vous. La vie d'Elohim doit agir en vous. La vie de l'Éternel doit agir en vous. La vie du Saint-Esprit doit agir en vous. Même si nous les serviteurs, nous les prédicateurs, nous sommes des passagers, nous sommes des mortels, peut-être qu'à nous il n'y a rien de bon. Vous ne faites que vous achoppez à nous. Oui, la mort agit à nous. Mais Paul dit, et la vie agit en vous. C'est puissance que nous prêchons. Même si nous-mêmes, nous semblons ne pas en bénéficier. Nous semblons plus pour déjà mourir. Nous que bénéficier des dons que Dieu a placés en nous. Quand les épreuves viennent, quand les maladies viennent, et nous sommes vraiment la cible de tous les attaques. Malgré ça, sois encouragé. Nous t'exhortons. Au nom de Jésus-Christ. Même si tu vois la mort agir en nous. La vie qui est prêchée. Dans l'évangile du Seigneur. Cette vie doit agir en vous. Vous êtes bénéficiaire des dons. Qui dit amen? Vous êtes les bénéficiaires. Un groupe de gens privilégiés. Plus privilégié que le prédicateur. Si tu peux comprendre ça, tu comprendras que toi les croyants, tu as beaucoup plus d'avantages que nous les prédicateurs. Le peuple de Dieu comprend ça. Entre un serviteur et un fils de la maison. Kati na mosali na mwana na ndako. Qui est plus considéré? Nani batomona ye likolo mingi. Le domestique dans votre maison. Botozali ko sala kati na ndako na bino. Et l'enfant de la maison. Pe mwana wazali kati na ndako. Qui est plus considéré? Nani wazali komona mwana. Qui a beaucoup d'avantages? Nani azali na likonga mingi. Les serviteurs sont des domestiques. domestique de la maison de Dieu. Quand Dieu t'appelle à un ministère, il diminue en réalité. Ne pensez pas que oh, les jours où j'aurai le ministère, c'est une humiliation. Mais vous n'avez que la qualité de fils de Dieu. Les ayants droit. Si vous allez porter plainte contre les serviteurs, Dieu va les frapper. Parce que c'est un serviteur, vous êtes ses enfants. Imaginez ça. Et c'est ce qu'on dit, la prédication et le ministère ne sauvera pas. Cherchez d'abord à devenir vous-même un enfant de Dieu. Hein? Pas à la manière de celui qui a dit, Ngai pe na za mobali, hein? Pas ça. Ngai pe na mobali, hein? Pas dans ce sens-là. Mais vous devez devenir d'abord enfant de Dieu par la nouvelle naissance. Avant de vouloir servir les autres. Oui, parce que le rang des serviteurs, c'est une humiliation. Vous n'avez pas trop de liberté. Il y a des contraintes, Dieu vous contraint. Et il est plus sévère envers les serviteurs. Il est envers les enfants de sa famille. Dieu est plus exigeant. N'est-il pas écrit que nous qui enseignons la parole, nous serons exigeants. Donc il n'y a pas trop d'avantages là. C'est une situation compliquée. Comme disait Frère Brenham, ne cherchez jamais un ministère. Vous ne savez pas ce qui va avec. Vous êtes mieux tel que vous êtes. Ou juste être un frère, une soeur à l'église, vivant à la paix. Vous êtes mieux. Il vous dit que vous êtes mieux. Vous allez malam le lenge wana. Moi, je crois que vous êtes mieux comme ça. David témoigne sous le Seigneur. De lui l'Éternel, qui pardonne tes iniquités. De lui l'Éternel, qui te guérit, qui guérit toutes tes maladies. Et quand Dieu parle de lui-même, depuis le temps de Moïse, il t'oblige d'obéir à sa voix. C'est prêté, et puis il dit, si tu fais ça, tu te frapperais d'aucune mauvaise maladie, comme tu frappes les Égyptiens. Car, je suis l'Éternel qui te guérit. Ou en d'autres termes, de la traduction du Seigneur, je suis l'Éternel qui t'apporte la guérison. Donc, si tu es dans les besoins d'être guéri, et que tu as des affections, des maladies, des troubles sanitaires, à quelque niveau que ce soit, il est l'Éternel, ton Dieu, qui t'apporte la guérison. Et Jérémie a eu à lui adresser sa prière. Une prière sincère. Dans Jérémie au chapitre 17. Ayant la révélation de qui était Dieu pour lui. Jérémie chapitre 17. Au verset 14. Jérémie chapitre 17. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Et le même Dieu à qui on demande de la guérison. C'est le même qui peut sauver. Et il avait cette révélation, Jérémie. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Jérémie 17, verset 14. Sauve-moi, et je serai sauvé. Car tu es ma gloire. Dieu n'est pas pour nous la honte. Dieu est pour nous la gloire. Il est votre vraie gloire. Parce que vous chargez de braise et de ténèbres. Et vous êtes la poussière et la boue. Dieu est votre vraie gloire. Bon, ne pas se cacher que le monde ne connaît pas. C'est votre Dieu qui est votre force. C'est donc lui Dieu qui apporte la guérison. Et nous savons que c'est la vérité. Et alors, comme disait Frère Brenham, J'aimerais que nous puissions le comprendre chacun et tous ensemble. La puissance de guérison, vous ne la mettez pas dans le prédicateur et vous ne pensez pas la puiser du prédicateur, mais c'est en vous. Hier, on a lu dans la prédication la foi. N'est-ce pas? Oui, il a dit que cette puissance de guérison est en vous. Aujourd'hui, nous lisons dans les œuvres sont l'expression de la foi. Dans le même ordre d'idées. Le 26 novembre 1965. Les œuvres sont l'expression de la foi. Les paragraphes 176 et 177. Et si ce soir Dieu révélait cela juste au fond de votre cœur, disant, tu ne resteras pas plus longtemps dans ce lit. Tu ne resteras pas dans ce fauteuil roulant. Tu seras guéri. Si quelque chose comme ça, comme révélation, surgit aux états de vous, pour vous rassurer à un moment donné, cette maladie n'est pas du tout éternelle. Que cette maladie n'est pas plus forte que toi. Que cette maladie ne t'écrasera pas. Voici ton Jésus est plus puissant que celui qui est dans le monde. Alors, si ça se passe comme ça, en toute simplicité, rien ne pourrait vous faire changer d'avis là-dessus. C'est quelque chose qui va s'ancrer, qui va se fixer, qui se bloque en vous, et qui ne peut pas être déterré. Mais avant que cela n'ait lieu, tous les prédicateurs au monde pourraient prier. Tant que cette révélation n'opère pas en vous, que cette opération ne s'est pas éveillée en vous, donc tous les prédicateurs du monde peuvent prier pour vous. Vous pouvez en changer comme vous changez votre cinglé. Aujourd'hui c'est elle, il a tel don. Il a encore ici. Mais rien ne va s'opérer. Tous les problèmes, c'est en vous. Tant qu'en vous, ce n'est pas réglé, les problèmes persisteront. Amen. Tous les prédicateurs au monde pourraient bien prier pour vous. Je ne veux pas dire que cela ne vous servirait à rien. Cela servira. Mais à quoi? Cela vous encouragerait. Juste, on va vous dire quelques paroles pour vous. Vous serez guéri, ça va passer. Mais au-delà de ça, la maladie restera. Il faut qu'au-dedans de vous, vous saisissiez la révélation. Comme quoi, par ce meurtrier, il a déjà été guéri. C'est en toi que ça va se produire. Ce n'est pas le problème du prédicateur qui a dit. C'est le problème de votre foi à vous. Qu'il faut guérir. Qu'il faut redresser. Il faut rectifier. Il faut ajuster. Il faut bien aligner cette foi. Je ne veux pas dire que cela ne vous servirait à rien. Cela servira. Cela vous encouragera. Mais en tant que cette foi, vous voyez, la puissance de guérison est en vous. Amen. Elle ne vient pas du prédicateur. Elle vient à vous. Par la révélation. Par la foi. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, ni par mon esprit dit l'Éternel. Mon esprit, par grâce, vous révèle cela. Et rien ne peut enlever cela. Voyez, par la foi, par la révélation. Béni soit le Seigneur. Je pense que tu essayes de comprendre. Que la puissance de guérison est en toi. Pas seulement pour aujourd'hui. Mais tous les jours de ta vie. Retiens-le définitivement. Même si je ne veux plus prêcher là-dessus. Garde ça toute ta vie. Que cette puissance de guérison est en toi. De la même façon. La puissance de résurrection. Amen. Parce que les morts doivent être déjà en vous. Et vous vous Amen. Car si vous mourrez sans avoir la puissance de guérison. Donc la puissance de réflexion dans le monde. Que quand Jésus-Christ viendra, vous ne sortirez pas du tombeau au moment de l'enlèvement. Vous attendrez la résurrection générale de tous les morts au jugement des trônes blancs. Tout à la salle là-bas des morts. Donc quand Christ viendra pour les morts en Christ, que vous étiez enterré sans au préalable, la puissance de résurrection naturelle, au dedans de vous, vous ne ressusciterez pas. Même chose. Avant que la maladie ne vienne, la puissance de guérison doit être déjà en vous. Maintenant que vous vous sentez bien, vous êtes bien portant, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur Jésus a dit, les gens bien portants n'ont pas besoin de médecin. Est-ce que pendant que tu es bien pour ça, tu as même besoin de cette puissance de guérison? Et pourtant, elle doit être là. Et en réserve. De sorte que le jour où une maladie va oser, qu'il y ait de quoi réappliquer et réserver. Même les hommes du monde disent, celui qui veut la paix, prépare la guerre. Mais vous devez vous armer, non? Il ne faut pas dire, non, tout va bien, vous êtes en paix. Mais maintenant, c'est une armée plus puissante que vous, vous pleurnicher partout. Mais vous devez vous défendre, non? Avec quoi? Les armes qui vont venir pendant que la République est en paix. L'aéroport déjà au met des ennemis. Pour que les gars, on ne fait pas les ennemis. C'est que vous allez ouvrir les armes. Mais on va vous envahir. Vous ne saurez rien faire. Vous devez être armé. Auparavant. Voulez-vous lire quelque chose? Capacité 6. Au sujet de l'armure. Que dit l'écriture? Ephésiens chapitre 6. Pour nous chrétiens. Ok. Il dit ceci, verset 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Soyez déjà forts. N'attendez pas les attaques. Les tentations. Soyez déjà forts à l'occasion de rien. Maintenant que ça semble calme là. Soyez déjà forts dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Ayez déjà position. N'attendez pas, on m'a attaqué. C'est ce qu'on passe. Non, l'évangile vous dit d'avance. En permanence. Soyez déjà forts dans le Seigneur. Et fortifiez-vous par sa force toute puissante. Ensuite, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nasuka, bomitembi sakati na kolompo na makasi na nguya na ye. Bolata, molato, mobimba na etumba na nzambe. Ete boyeba kotelema, liboso na mayele na oyo mabe. Il est rusé le diable. Il viendra, il surprendra. Mais vous, soyez déjà armés. Vous savez qu'il existe. Peut-être que pendant qu'on en parle ici, il ne vous fait rien. Et pour votre part, soyez déjà armés. Tout de suite et immédiatement. Soyez armés. De toutes les armes de Dieu. Que vous êtes prêts à combattre. Tu as dit Amen? Le verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Êtes-vous là? Dans Luc chapitre 12. Voyez encore le verset 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Amen. L'ordre est donné pour être exécuté en permanence. Non! Ça doit demeurer allumé tout le temps. Et vos reins à vous. Ne dites pas, laissez la ceinture chez le cordonnier. Quand l'ennemi le risait viendra sur le cordonnier. Il faut que la ceinture reste à plat. S'il faut arranger chez le cordonnier, toi-même sois à la présence. Il retire, il arrange, il récupère, et il remet en place. Mais c'est des places dans sa ceinture. Ne dis pas, je vais d'abord aller chercher. Parce que pendant que tu es loin, il ne précise pas. Que ta ceinture à toi soit toujours en place. Est-ce que vous dites amen? C'est la parole, hein? C'est la parole. Et au sujet de la puissance et résurrection, dont nous avons parlé tantôt, Philippiens chapitre 3 nous dit cela. Soit l'armure ou la puissance de la résurrection d'entre les morts, vous devez être équipé tout le temps. Ne ménagez pas vos efforts. Rachetez chaque minute qu'il faut. Vous voyez? Amen. Il dit ceci, Philippiens 3. Verset 10 et 11. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir si je puis à la résurrection d'entre les morts. Amen. Voyez frère, pour parvenir si je le puis. Mais il dit, je dois connaître Christ et connaître sa puissance résurrection. Mais quand on parle de connaître cette puissance, il s'agit d'en avoir une idée théorique. Ou bien il faut l'expérimenter. D'avoir que quand on parle de puissance de Dieu, ce n'est pas une théorie. C'est une réalité. Et Paul voulait connaître ça de ce vivant. Autrement dit, l'expérimenter. Goûter déjà à ça. À palper déjà les effets. Ne risquez pas réellement. Comme ça, quand le moment de la mort, c'est là. Grâce à la puissance dont je suis déjà témoin. Que je connais déjà. Oh, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. N'attendez pas après votre mort pour que les gens prient sur votre cadavre. Demandez que Dieu remplisse déjà la puissance de Dieu. Dieu ne le fera pas comme ça. Il doit être équipé de votre vie. Comme à travers le monde, Rabadan parle de la situation de Christ et dégagée. Les réclamations de réveil. Les enfants de Dieu, à travers la radio, les télévisions, donne-nous un réveil à notre temps. Donne-nous un réveil. Et les gens réclament, ils prient. Mais écoutez dans la prédication, un homme appelé Dieu. Un homme appelé de Dieu a été prêché le 5 octobre 1958. Alors, je prends le paragraphe 30. Tu vois ce qu'il dit. Et je vais tâcher d'être aussi bref que possible. Parce que nous allons avoir une longue ligne de prières. Dans quelques minutes. Mais juste pour vous permettre de voir un peu à quelle époque nous vivons. Nous entendons ce cri à la radio. Il y a différents endroits. Il provient des cœurs sincères. Seigneur, donne-nous un réveil. En notre temps. Et dans les lettres provenant des chrétiens partout dans le monde. Nous entendons ce cri. Et c'est quelque chose qui touche votre cœur. Ça inspire et ça élève. Ça stimule l'âme. D'entendre le peuple du Seigneur réclamer un réveil. Et Dieu a fait une promesse que si le peuple sur qui est invoqué mon nom se rassemble et prie, comme demain vendredi, chaque vendredi à la salle de prière, alors je l'exaucerai des cieux. Et alors, nous ce soir, nous voulons réfléchir là-dessus. N'est-ce pas? Et souvenez-vous, malgré tous ces cris, Dieu ne peut pas envoyer ton réveil tant qu'il n'aura pas un homme qui soit en état de le porter. Nous demandons, nous prions, nous réclamons, nous demandons la guérison, nous demandons la résurrection de mort. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un capable de porter la réponse de Dieu. Mais quand il n'y a pas quelqu'un, vous allez faire du bruit jusqu'à vous fatiguer. Mais il faut que quelqu'un accepte. Dise, moi j'ai la foi. Je sais que Dieu peut m'aider. Je veux porter cette réponse. Pour être le symbole de ce que Dieu a promis. Vous voyez? Dieu ne peut pas envoyer de réveil tant qu'il n'aura pas un homme qui soit en état de le porter. Nous ne pouvons pas avoir réveil tant que nous n'aurons pas des hommes appelés des hommes formés par Dieu qui n'ont pas été formés dans des écoles de théologie et dans des écoles normales, mais des hommes solides, des hommes de foi que Dieu a instruit à l'école et sa solide, des hommes qui n'ont pas peur de braver les flammes, des hommes qui sont entrés dans la présence de Dieu, écoutez, et qui connaissent sa puissance. Ils doivent connaître ça. Autrement dit, ils doivent l'avoir expérimenté. Mais sinon nous n'aurons jamais de réveil. Nous aurons des théories et des endormissements. Nous sommes dans la mort et des morts. Sortons de ces réveillements. Réclamons le vrai réveil. Et soyons capables de porter ce réveil. De soutenir le réveil. De défendre le réveil. De maintenir le réveil. Dieu nous veut réveiller. Il a dit que vos lampes soient toujours allumées. Que vos reins soient toujours saints. Que les lampes soient allumées pour qui? Ce n'est pas pour des gens qui dorment. Quand tu dois traiter les lumières. Quand tu dois reposer les cerveaux. Tu ne fais pas les lumières. La science affirme que les cerveaux continuent à travailler. Malgré le temps, tu auras des insomnies. Avant que ces lumières qui frappent les cerveaux. Et tu auras un conflit de sommeil. Des maux de tête, des migraines. Pendant que tu veux te reposer, quand on dort, on est terre alliée. Tu vas voir un abat-jour, une lumière de faible éclat. Mais tu ne dois pas frapper. Et ce n'est qu'un bête. Ta tête. Tu dois regarder de l'autre côté. C'est le métal dans la pénombre. Ta tête dans la pénombre. C'est ça, mon tour. C'est ça, non? Mais quand maintenant le lampe doit être calmé, après, ça veut dire que Christ nous veut réveiller. Il ne veut pas nous voir dormir. Mais nous devons être capables de porter ce réveil. Par la grâce de Dieu. Nous aimons. Amen. Vous voulez? Amen. Soyez ici. Il nous faut des hommes que Dieu a formés. Des hommes appelés de Dieu. Et vous-même vous serez encadré par des hommes appelés de Dieu. Et donc, une série de formation reçues de Dieu lui-même. Pas des écoles normales ou des écoles théologiques. Et Dieu les a formés par une solide formation. Et alors, ils porteront le réveil près de vous. Et vous aussi, vous maintiendrez la même place. Vous serez un peuple de Dieu réveillé. Des hommes qui connaissent sa puissance. Qui connaissent son omnipotence. Qui connaissent sa puissance de guérison. Des hommes qui ont été formés pour connaître le Dieu vivant. C'est bien de les former par la parole. C'est la lettre à Dieu et c'est l'esprit qui vient ici. Nous avons des citations et des versets alignés, ajustés, harmonisés, répétés. C'est la lettre à Dieu. C'est l'esprit qui vient ici. Et le Saint-Esprit enseigne. Le réveil ne peut pas venir avant que Dieu n'y ait fait. Maintenant, le Seigneur Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il était venu mettre, allumer du feu sur la terre. Comme il l'avait dit, je suis venu mettre du feu sur la terre. Et qu'ai-je à faire s'il est déjà allumé? Moi, je n'ai rien à faire. Laissez ce feu le feu d'un réveil divin. Donc, Jésus-Christ est l'auteur. Pensez un peu à ça. Lui-même allume ce feu sur la terre. Un vrai réveil. Qui doit s'allumer, et l'un des doigts les maintenant, quand il savait qu'il allait partir, dans Matthieu 10, au verset 1, il a rassemblé les 12 disciples, auxquels lui-même avait donné le titre d'apôtre. Et il leur donne le pouvoir sur les esprits impurs et de guérir toute infirmité. C'est le pouvoir exclusif de Dieu. Mais voici le même Dieu ferme. Il prend ce pouvoir et il le donne à des hommes. Amen. Ah, de sorte que ton croyant, même si tu ne vois pas Dieu de tes yeux, même s'il passe pas sur ton avenue, même si tu ne vois pas dans les couloirs de ton église, tu ne vois pas avec tes yeux charnels, mais au moins quand tu verras un prédicateur, mandaté, formé par le Seigneur, attire-toi que le pouvoir de guérison est là présent. Tu ne peux pas douter. Parce que Dieu ne peut pas se tromper. Il a fait comme ça dans la Bible. Amen, amen. Amen, amen. J'aimerais qu'un frère lise Matthieu 10, verset 1 dans le monde. Je ne sais pas que c'est le pasteur qui a lu dans le monde. Volontaire. Tenez-vous debout. Prenez Matthieu 10, verset 1. Lisez-moi ça. Alors, frère aimé déjà debout. Lisez. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Très bien. Et de guérir toute maladie. C'est pas seulement ma Bible, hein. La Bible est de vous dire ça. Vous entendez ça? Il a donné le pouvoir de chasser les démons. Alors que jusque là, c'est lui seul qui le faisait. Quand il est venu sur terre, et il est comme un faux ministère, lui seul chassait les démons. Mais il a pris 12 hommes. Il a commencé à former près de lui. Il a donné une formation solide. Mais les serviteurs que lui a établi, et il leur donne le pouvoir de chasser les démons. Savez-vous que plus tard les mêmes pouvoirs devaient opérer dans chaque croix? C'est comme ça que le Seigneur l'a transmis. Après l'avoir fait comme ça, dans la Marc 16, au verset 17, il a dit, voici les miracles qui accompagnent aujourd'hui. Il faut qu'aura-t-il. Il chasse les démons. Les mêmes pouvoirs qui ont dépendu. C'est incarné quand Jésus sort. Le pouvoir a été déposé dans les hommes appelés de Dieu. C'est un pouvoir qui devait opérer dans tous ceux qui avaient cru. Amen. Il a donné le pouvoir de chasser les démons. Ceux qui croient en l'évangile, le pouvoir doit agir en eux. Et l'écriture est infaillible. Dieu est très fidèle. Ne te souffrez pas. Toi aussi tu peux chasser les démons. Ce pouvoir-là est ici. Amen. Si les démons se malmènent, allez, menacez les bouts de les démons. Si tu n'arrives pas à croire que c'est possible, regarde qu'il y a un serviteur établi là-bas. Tant que tu vois un serviteur, je te souviendrai que Dieu l'a formé. Il l'a formé avant moi pour chasser les démons. Si mon expérience Même si tu te sentirais abattu, mais non pas perdu. Tu ne peux pas manquer de boussole. Tu ne peux pas complètement. Au niveau des hommes, il y a Dieu lui-même. Il est présent pour tous ses fidèles. Et recevoir les réponses. Ce n'est pas la doctrine biblique ça. Le pouvoir se chasser. Pas commencer à converger pour créer un certain climat dans la salle. Je pense que des magiciens fabriquent. Jésus ne permettait pas aux démons de parler. Et nous chrétiens, nous n'allons pas permettre de nous de parler. Qu'est-ce qu'ils ont vraiment nous dit? Quand vous n'avez pas du temps, allez poser des questions. Pour tous les dieux. Pour toi, Libanda. Amen. C'est tout. Pouvoir de chasser les démons. Et de guérir quoi? Toute maladie. Et toute infirmité. Le même pouvoir qui était exclusif. Opérer quand Jésus jusqu'à là. Il avait opéré que dans les Jéhovah de la société. Israël. Qui a opéré en Jésus. Le même pouvoir il est place dans ses prédicateurs. Appelez Jésus. De guérir sans limite. Vous comprenez que quand l'ange vient dire à un serviteur, Tu es porteur, tu vas prier pour les malades dans le monde. De quel que soit leur état. Attends, vous voyez que l'ange vient du Dieu de la Bible. Hein? Dieu qui a déjà donné à ses serviteurs le pouvoir de chasser les démons et de guérir toutes maladies. Amen. Et toutes infirmités. Des serviteurs qui sont en bonne santé. Et quand ils sont en bonne santé, ils n'ont pas besoin de guérison. Ils n'ont pas besoin de médecins. Nous manifestons dans la règle générale. Ce ne sont pas les gens importants qui ont besoin de médecins. Mais quand Dieu place ses pouvoirs en eux, là, pour leur profit personnel, si c'est un don, ça c'est pour les autres. Mais si c'est un équipement, qu'ils soient témoins, qu'ils aient goûté, qu'ils aient expérimenté la guérison de toute maladie avant de la pression aux autres, alors là c'est un témoignage pour t'encourager à croire que le Dieu que nous prêchons, Zambi tu zaliko kia. Zambi la kina tu zaliko kia. Zaliko tiki sabo kwa nafo. Zaliko tu zaliko inga batati ya niviko moko. Ne refusez pas de croire. Ukoya ya kia kondima. Zambi zaliko sale ango. Mais la puissance de guérison doit opérer maintenant en vous. La même qui a opéré en nous. En avant vous. Dans le cadre de la formation solide qui est là. Dans le pouvoir là. Doit opérer en vous aussi. Par la foi. Quand vous recevez la révélation. Que Dieu est votre guérisseur. Et qu'aucune maladie ne s'éteint. Et que par ce meurtre sur Dieu a déjà été guéri. Il a porté tes douleurs. Il s'est chargé de tes iniquités. Il a pris le droit de porter les douleurs. Il a gardé les douleurs. Il a conservé les douleurs. Mais lui l'a déjà porté. Il a pris le charge de tes douleurs sur lui. Il a gardé les douleurs. Amen. Yes, en gros, son douleur papa, c'est en gros. Oh, non, on passe. Kumisande zambe na yo. Kumisa kombo eza likolo ba kombo nyonso. Kombo wana nyata maradi na yo. Ene asaba pasi ya nsoto wana. Amen. Ce symptôme, Jean, Jonas les a appelés les idoles. Ya vingango, kubeli biche kwa pamba. Idole, izangati na, bike kwa ya pamba la pamba la wana. Oh, mutu passi, le bolongo passi, oh, estomac, motema, oh, soumini. Que Jésus-Christ est Seigneur. Le nom de Dieu le Père. Et amen. Une solide formation. Voilà. Mais voyez-vous pas la même pensée à venir dans Luc chapitre 9? Ayant assemblé à lui ses disciples. Il leur a donné quoi? Force. Et pouvoir. Sur quoi? Tous les esprits impurs. Balobi etangama mulimo mabe nini ya mbindo nini. Wo Yesu mulisa kabatu, yangone linga kabatu, yangone kanga batu na kata mari de nuit ki des histoires. Arrêtez. Nous avons le pouvoir. Sur tous les esprits impurs. Qui qu'il soit. Tous. Nyoso, bango balso, mulimo nyoso wana. Amen. Écoutez. Boka. On peut les lire, hein. Okotanga ngo. Parce que yo ozo bossa na er moko. Bani koloba o prédicateur ngoma kamba te er moko za bizarre. Ya kana ngo bizarre te. Za vérité ndé o singele koyamba. Bomba. Luc 9 verset 1. Boka li bwa moka poyamba. Jésus ayant assemblé les 12 leur donna force. Amen. Et pouvoir. Amen. Sur tous les démons. Wow. Voilà. Voilà. Tous les démons. Bah, démon Samboa, qu'est-ce que Samboa? Amen. Oui. Démon, ça n'a pas wapi abata, mais il faut que la tobi lambani, alvoa Samboa. Pour pouvoir les abysses, ça va s'en Amen. Amen. Oui. Je t'entends pas bien là. Alors, comment est-ce que tu pouvoir, n'a ma cache, yo si go yo, aux hommes en gras bongo bongo. Et mettant le lingo, comme ça malade, il y aura les soleils. Il y aura un peu soigné. Bon, bah, vous ignorez. Parlons de Christ. Et du pouvoir et de la force. Il donne d'abord aux serviteurs. Voilà. Sur tous les démons. Pouvoir en Esali. Sur tous les démons. Voilà. Après avoir parlé de ça. Dans Luc 10 au verset 18. Dans Luc 10 au verset 18. Il a répliqué à tout le peuple de croyants. À travers les 12. Les 70 qui sont venus. Qui sont revenus des missions. Ça, c'était plus que les 12. Plus nombreux que les 12. Vous savez ce qu'il a dit? Luc 10 verset 18. Tu peux réciter ça? Réciter Luc 10 verset 18. Luc 10. Personne. Oh. Parole au Yahweh. Somme. Parole au Yahweh. Somme. Luc 10 verset 18. Luc 10 verset 18. Au Gobosana Jesus. Au Gobosana Jesus. Un frère peut essayer. Voilà, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et voici, verset 19. Je vous ai donné. Ça, ce n'est pas que les 12. Hein. On est déjà au-delà des 12. Les 12, c'était les serviteurs qu'il avait appris. Après les 12, il y a les 70. 70 personnes. Oh, c'est que les 12. On continue à se transmettre. Je vous ai donné le pouvoir de saisir les serpents, de marcher sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Pouvoir est comme il y a du chevelé. Amen, amen. Mili Moumabé, nous sommes au Sambo. Au moment de Nicolas Osalé, a formé dans nos vassalis, il leur fait goûter ça. A pétalé, il leur fait expérimenter cela. A pétalé, nous avons maintenant à l'étimonie. A s'il m'a envoyé, allez, pétalé, vous qui nous goûtez à la fin, ça se multiplie. Voilà, il y a des alcools, c'est pas moi. Il nous serait pas. Il y a un peu de l'alcool, on va opérer ici, le pouvoir est donné sur tous les démons. Avec la puissance de guérir les maladies. C'est ainsi que Paul a dit. Hein? Nous sommes accablés des épreuves pressées de toutes les manières. Nous savons déjà en qui nous avons cru. Nous connaissons sa puissance. Nous sommes témoins à titre personnel. Vous voyez quand il a envoyé Moïse, il a manifesté les signes d'abord pour lui. Guérison de la lèpre. Changement de la verge en serpent. Du serpent en verge. Tout ça, Moïse l'a expérimenté d'abord. Il faut savoir que Dieu peut tout. Maintenant, il a envoyé auprès d'Israël. Allez affronter le pharaon. Mais chers amis, Dieu forme ses serviteurs. Mais ce qui leur fait goûter là, ce n'est pas pour eux seuls. C'est pour que ça se répande dans tous les soyons. Ça commence à agir dans quiconque croit. Amen. Amen. Vous aimez la manière de Dieu de faire? Comme ça que le réveil se répand comme un feu de brousse. C'est ce que le Seigneur Jésus est venu faire. Il est venu allumer un feu. Pour le répandre, il le met dans les disciples. Entre les douze. Au-delà des douze, il y a les 70. Au-delà des 70, chaque croyant doit reproduire ceci. Chasser les démons. Imposer les mains aux malades. Et le malade guérira. Amen. Même si tu n'es pas l'un des disciples. Ou l'un des apôtres. Ou l'un des serviteurs. Tu crois ça? Hein? Écoute un peu Frère Brunana. Qu'il nous dise quelque chose ici. Oh mes chers amis. Il lit dans les sermons, Dieu dans son peuple. Dieu dans son peuple, prêché le 27 février 1950. Paragraphe 7. Bien des gens ont une fausse idée de Dieu. Ils pensent que comme l'évangéliste est là, non plutôt que la personne qui prie pour les malades est partie, alors toute la puissance de la guérison est partie. Ça, ce sont des fausses idées. Peux-tu dire amen à la vérité? Donc, pour la puissance des alliés, tant que l'évangéliste, comme moto, yo, à Beléli, Babéli, à l'ingo, béon de la porte de Babéli, tant que Azali. Bekakei, ah, et si l'inamo. Oh, Kuna, il n'y a plus rien là-bas. Et l'autre, j'allais Kuna, tiens. Qui t'a dit ça? Non, elle avait le bongo. Yoka. Yoka. Corrigeons ces conceptions erronées. C'est symbole, ma canifa, l'ibungana. Dieu couvre la terre. Jamba, j'allais couvrir par Mabéli. Votre pasteur. Votre pasteur. Comment? Qu'est-ce qui fait que mon pasteur ne peut pas faire cela? Voilà pourquoi les gens se disent, mais qu'est-ce qui fait que mon pasteur ne peut pas faire cela? L'évangéliste ou l'autre là, il a dit, pourquoi lui ne fait pas ça? Ignorance. Mes amis. C'est une fausse impression. Votre pasteur, si il est un homme pire, ses prières sont exaucées juste comme ça, n'importe quel évangéliste. Ou de quiconque prétend avoir un quelconque don. Les prières de votre pasteur, s'il est un homme pur. Un désordonné, un adultère et des choses comme ça, ça c'est autre chose. Mais si c'est un homme pur, alors, ma bonne de l'inaïe, et Zouakabiyano, Pelamoko, ma bonne de l'évangéliste, et Zouakabiyano, Pelamoko, ma bonne de la n'importe quelle vase, et Zouakabiyano. Mokengelo ya yino. Et aligné bongo. Amen. Toyokani, hein? Amen. Ah, comprenez ça. Vous ces prières, s'il est non plus. Ces prières sont exaucées. Comme celles de n'importe quel évangéliste. Et le pasteur n'est pas un évangéliste. Mais ces prières sont exaucées comme celles d'un évangéliste. Mais s'il n'a pas le grand don de guérison spectaculaire et tout ça. Mais n'importe quel autre don de miracle ou pas. Un pasteur à son poste, un homme pieux. Prière. La manière qui répond à un don. Côté l'engana koulougamba, c'est n'a donté. Kakawa, puissance et âge. Amen. Ou quelque chose d'autre. Il est un homme de Dieu. Et vous devriez le respecter en tant que tel. Et croire en lui. Et Dieu exaucera sa prière. Et il a dit, confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous puissiez être guéris. Ce n'est pas, écoutez, ce n'est pas seulement. Vous êtes maintenant, vous êtes le pasteur. Vous êtes au plus fort. C'est un principe du réveil. Ça doit se répandre comme un feu de feu. Jésus-Christ est partout. Lui qui guérit partout. Plus loin que le pasteur. Plus loin que l'évangéliste. Suivez maintenant. Toute personne qui a le Saint-Esprit. Dans une certaine mesure, il a les dons de guérison. Dans une certaine mesure. Amen. Toute personne qui a le Saint-Esprit. Il y a une théorie. Et le Saint-Esprit n'a pas le Saint-Esprit n'a pas tout le monde est le droit. Vous ne savez rien. Arrêtez les théories. Nous voulons une formation solide. Avec les preuves du pays. Les démonstrations et les évidences. Toute personne qui a le Saint-Esprit. Que ce soit un frère. Que ce soit une sœur. Une jeune sœur. Une maman. Un jeune frère. Un papa. Toute personne qui a le Saint-Esprit, dans une certaine mesure, cette personne-là possède également les dons de l'Esprit. Dans une certaine mesure. Amen. C'est-à-dire, elle peut prier aussi pour les malades. N'allez pas idolâtrer quelqu'un de spécial. Interprète la ndaye ko choma boko. Wana mulimu la yeko tonde. Interprète ngo kana na Saint Esprit. Ye pa za mulimu mpanko. Le problème est résolu. Tona yo likambo sili. Amen. Mais toko pa ka ite il faut maboko a pasteur ndé. Vous voyez le problème c'est vous. Likambo za liyo moko. Ce n'est pas la parole mais c'est vous. Za liyo le vateta. Amen. Za liyo moko. Donc frère wana ensemble on dirait zo ko kagate. Pasteur ndé. Mais sous pasteur hôtel, il faut évangéliste à un an. Église au Bali litro, c'est que évangéliste à un ndé. Le problème c'est toi. Tu as de fausses impressions. Trop de fausses impressions. Tu es en train de t'endormir et tu penses que comme tu dois faire le travail. Loin de là. Toute personne qui a le Saint-Esprit dans une certaine mesure possède les dons de guérison dans une certaine mesure. Chaque pomme qui est dans l'arbre, quand celle-ci n'était plus qu'un brin. Lorsqu'elle est encore une toute petite branche, appuyée sous terre, une fleur qui ne sera jamais dans l'arbre, amen. Les dons, c'est la spécialité. Makabo, j'ai le Saint-Esprit. Tu as les donateurs. C'est lui qui paie tout. C'est lui qui parle la langue. C'est lui qui prophétise. C'est lui qui révèle les secrets de cœur. C'est lui qui a les dons de connaissance. C'est lui qui fait tout. Le Saint-Esprit là que vous avez en fait. Si la foi s'exerce correctement, nous allons partager nos expériences. Confessez vos péchés les uns. Dites l'Écriture dans Jacques chapitre 5, verset 14 et 15. Et priez les uns pour les autres. Vous voyez que c'est un ordre général, non? Afin que vous soyez guéris. Vous pouvez vous dire que vous avez un pasteur. Vous avez un pasteur. L'évangéliste, un serviteur. Vous avez un pasteur. Il y avait un enfant de Dieu qui est venu te rendre la visite, confesse et tes péchés. Ne fais pas bloquer ta guérison. Mais la Bible a dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Bongo sima, bobo ndelaka, bamoko beko na bisusu, nantina ete, bobika. Amen. Ça a donc opéré en vous. Même sans serviteur. Même sans prédicateur. Même sans pasteur. Même sans évangéliste. Ça doit agir en vous là. Car le Saint-Esprit est là. Et c'est son pouvoir que lui a transmis dans les gens. Mais c'est lui qui guérit. Il a lié avec le Covid, c'est ça. C'est pas le prédicateur qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Il peut utiliser les mains, les paroles d'un homme, la foi d'un homme, la consécration d'un homme, la piété d'une femme. Et au final, c'est Dieu qui guérit. Voilà pourquoi tous ceux pour qui on a prié, Plus privilégié que nous. Vous êtes le fils de la maison. Plus privilégié que les serviteurs. Ils sont que des esclaves. Vous allez vous que Dieu bénisse ses enfants. Qui soutiennent la foi de chacun. À rendre de grands résultats. À expérimenter la flamme du réveil de Christ. Cette flamme qui est jetée sur la terre. Amen. Et que ni l'homme ne doit éteindre. Il faut continuer à se répandre. Réveille tout le temps. Que Dieu vous bénisse. Le feu divin brûla mon cœur. Le feu divin brûla mon cœur. Le feu divin brûla mon cœur. Le feu divin brûla mon cœur. Le feu divin. Yeah. Que l'onction de prière anime et en sortant d'ici jusque demain dans la chaîne de prière, continuant sous les mêmes climats, croyant Dieu et ayant foi. C'est par la foi que des grands résultats viennent, ayant la bonne attitude de chaque fois, l'attitude qui produit des choses. Prions. Amenda katena mole le pela menda pela pela menda peli sa menda katena maso mo pela menda peli sa pela o peli sa peli sa Pelisa mwenda ya mo bene Pelisa mwenda ya ngo katena bato ya maso mo Pelisa mwenda na beko Pelisa Pelisa Mwinda ya mondi mi pelisa, pelisa. Katena, bato ya masomo pelisa, mwinda na yo. Bato menge bako zwa pelo biko pela mwenda Pela mwenda te ya bango Lilo baya moko ze pela mwenda Pela beka pelisa pelisa Mwenda ya onde me pelisa Mwenda ya ngo Katena Bata ya masomo pelisa Mwenda na yo Yaka yaka sika Wa elongo na Biso pela mwenda, pela, deko pelisa, pelisa, pelisa mwenda ya mondi, mi pelisa, mwenda ya ngo, patina, bato ya ma, somu pelisa, Mwinda na yo Zwa mokano Femema mwinda Yango pela mwinda Pela mwinda Yaka Yakasika wa elongo na biso pela mwina pela deka pelisa pelisa pelisa mwina ya mondimi pelisa pelisa mwina yango Katina Bataya Masumu Pelisa Mwindana Deko Pelisa Pelisa Mwindaya Mondini Pelisa Amen Mwindaya Mbu Katina Katina batoya masumu pelisa mwindana. Que ta lampe soit toujours allumée. Et les autres voient ce que vous avez. La flamme de réveil de Jésus-Christ. La puissance de guérison. Le pouvoir de guérir toutes les maladies. De chasser tous les démons. Qui qu'il soit. Tu as ça. Ça agit en toi là. Par la foi. Cela te soit révélé. Passe à l'action. Nous sommes le plus. Passe à l'action. Fais des progrès avec Dieu. Affronte tout démon. Toute infirmité. Toute maladie. Dieu a placé ses pouvoirs en nous. Ça y est dans les hommes maintenant. Pour agir et donner les résultats. Pour agir et donner les résultats. J'ai cru, c'est pourquoi je parlais. Si tu crois, exprime-le. Si tu crois, manifeste-le. Si tu crois, fais toujours cela. La puissance de guérison est en toi. Dieu bien-aimé, nous te remercions pour cette belle soirée dans ta sainte présence. Quand nous venons dans ton royaume, les soucis de la vie sont oubliés. Nos maladies ne font plus mal. Les douleurs sont même allégées. On dirait qu'elles entrent au garage pour un moment. Nous sommes devant les grands dieux, tout puissant et notre Seigneur. Source de force et de puissance qui nous équipe et nous rend capables. Béni soit ton nom chaque jour. Reçois la prière de chacun. Agis puissamment chacun. Que ta force nous anime. Que ton pouvoir nous pénètre. Pour nous faire passer à l'action. Faire des exploits avec toi. Prie pour chaque frère. Pour chaque frère. Pour tout le peuple de Dieu. Agis au-dedans de nous. Utilise chacun de nous. Pour que ce feu de réveil se répande. Pour que tout le monde sache que Jésus est là. Veuillez vous asseoir et que Dieu vous bénisse.